Chapitre 23. Le dépôt de la préfectance. La permanence est l'antichambre du tas. Le panier à salade s'est arrêté devant. Nous aurons souvent à repasser par là. Aussi, tracerons-nous un rapide croquis du dépôt et de ses annexes pour nous sentir plus chez nous. Un morne silence règne à l'arrivée. Le conducteur de la voiture cellulaire est descendu pour remplir certaines formalités réglementaires. Au bout d'un instant, les colloques s'engagent à mi-voix entre les garçons. « Dis donc, où que t'es ? Là, au fond ! Oh, et mince, que ça plombe ! Ah, pour sûr, ça fouette dur !» En effet, cela ne sent pas bon dans ces compartiments où des générations de voyous, de pochards et de prostituées ont craché, vomi, etc. « Silence, nom de Dieu !» Ça, c'est l'éternel refrain des gaffes. Les gardes municipaux forment la haie derrière la voiture. Le gardien ouvre les portes, une à une, et l'on descend. On évite avec soin de laisser ensemble les hommes et les femmes, mais néanmoins, ceux qui ne sont pas à la manque trouvent le moyen de tromper la surveillance qui pèse sur eux. Quelquefois, c'est touchant. « Te désole pas, mon bibi !» disent invariablement les filles. « Je te ferai passer du carme !» Et elles tiendront parole, les malheureuses. Nous avons fait du chemin, mais nous ne sommes pas encore au vrai dépôt. Nous y arrivons. Pour le quart d'heure, nous voici donc à la permanence. C'est là qu'on prépare vos lettres d'introduction. Tout le monde doit passer à ce bureau-là, c'est une règle invariable. On se croirait transporté au Mont-de-Piété. Un bureaucrate, ennuyé de se voir dans la triste nécessité d'interrompre la lecture de son journal, vous demande brièvement, d'un air rogue, vos noms, prénoms, etc. Vous lui répondez, humblement, tête nue et debout, « Il y a bien un banc qui, peut-être, était destiné, dans l'origine, à s'asseoir dessus, mais les gratte-papiers de la permanence en ont décidé autrement. Ils veulent qu'on leur témoigne de la déférence et qu'on s'incline très bas devant leur crâne chauve. Aussi, les municipaux et gardiens de la paix en faction ont-ils l'ordre de veiller au respect des belles manières ?» « Restez debout, sacre nom de Dieu ! Vous entendez, foutue bête ?» Les convenances, du moins observées, toujours, et les formalités remplies, on vous adjoint un municipal qui vous passe le cabriolet et vous traîne après lui jusqu'au dépôt de la préfecture. « Oh, mais vous me faites mal !» s'écrie le patient novice. « Tais ta gueule ou je serre d'un cran, et allez donc !» Tout ce qui touche de près ou de loin à la répression est frappé au coin de la plus exquise urbanité. Quand on ne vous a traité seulement que de sale vermine ou de charogne, c'est que vous êtes très sympathique. Vous voilà devant la porte de fer du dépôt. On cogne au carreau et le concierge, juché à l'intérieur dans une petite tribune, ouvre au moyen d'un manche de canne recourbée. Brrr, daigne. La lourde porte s'est refermée derrière vous, avec un bruit étrange, sinistre, impossible à rendre. Cela fait froid dans le dos. L'entrée, sorte de carré, garnie de bancs pour les personnes qui viennent comme visiteurs, est franchie. On passe sous une grille, on ne sait plus guère où l'on se trouve, l'émotion vous a brisé, et vous avez la sensation d'être retranché de la société. Le dépôt de la préfecture est, relativement, une prison moderne. Construit en 1865, il possède à présent un quartier cellulaire. Immédiatement après avoir dépassé l'entrée, où se tient le guichetier, on est dans une vaste salle gothique. Des colonnes, imitant le marbre, soutiennent le poids énorme de la voûte, très élevée, entièrement en pierre de taille. Juste en face de vous, se trouve le cabinet vitré des brigadiers et sous-brigadiers. À droite, dans le fond, est aménagé un cabinet de fouille. Du même côté, mais tout de suite en entrant, est le local destiné au directeur de la maison. À travers les vitres cannelées, on aperçoit, confusément, les promenoirs cellulaires, murés et grillés. À gauche, le local du fond est utilisé comme magasin à pain. Le greffe a vu sur la cour extérieure. De chaque côté, une porte de communication donne issue dans les bâtiments. Après avoir quitté ce vestibule, on pénètre dans une nouvelle salle, également garnie de piliers. Les cellules sont alignées tout le long, deux étages ici, trois étages là. Un balcon sert de palier aux cellules supérieures. On ne voit dans cette salle que des rangées de portes peintes en jaune. Derrière chacune d'elles, il y a un homme. Le quartier des femmes est à peu de choses près identique. Il y a, en plus, quelques dortoirs en commun. À une extrémité de la salle est disposée une pièce vitrée pour recevoir les arrivants de nuit. Pendant le jour, elle sert à ceux qui vont passer en jugement. On les met nus et on les visite. À l'autre extrémité, la grande et la petite salle. Dans la première, on entasse tout le monde. Dans la seconde, on ne met en général que les individus assez propres. De là le sobriquet de « salle des gommeux », « des rupins » ou « des gandins ». Ils sont jolis parfois. Le jour, les individus arrêtés sont parqués dans deux cours, la petite et la grande. On ne peut les rendre plus fidèlement qu'en les comparant aux fosses des ours du jardin des plantes. C'est absolument kiff. Quand vient le soir, les prévenus rentrent en troupeau dans leurs salles respectives. À la grande salle, qu'on appelle aussi le tas ou la commune, on couche par terre, trois sur deux paillasses étalées en travers. À la petite, on dort chacun sur sa paillasse qui est placée sur une planche inclinée. Les cellules sont réservées à ceux qui, par la nature de leurs méfaits, doivent être plus strictement surveillés ou qui ont une certaine tenue, financiers, notaires, journalistes, ecclésiastiques, etc. Les cellules ou cellottes sont fort petites, 5 pas en longueur et 3 en largeur, pas plus. Le mobilier est d'un facile inventaire. Un lit de fer scellé dans la muraille et dans le plancher. Comme table, une planche mobile à charnière, relevée contre le mur et se rabaissant sur une espèce de potence également mobile. Un escabeau en bois de chêne, rivé avec une chaîne. Ajoutez à cela une terrine en grès, un crachoir, un gobelet et un bidon, et c'est tout. La porte est munie d'un guichet par où l'on passe la nourriture. Un peu de chou le matin et un demi-litre de légumes secs l'après-midi. On a, en outre, cela va sans dire, une boule de son, pain de qualité inférieure, qui pèse 1,5 livres à peine. 2 fois par semaine, on a le bouillon et le bœuf. Ces jours-là, c'est fête. Il vient au dépôt des anarchistes, des malfaiteurs, des vagabonds, des vieillards en enfance, des enfants égarés, des étrangers perdus dans Paris, des orphelins et des gens qui, ayant attenté à leur jour, manifestent l'intention d'avoir de nouveaux recours au suicide. C'est, comme on voit, un public excessivement ondoyant et divers qui se renouvelle avec une rapidité vertigineuse. Dans la plupart des cas, on ne séjourne que 2 ou 3 jours au dépôt. Ce n'est pas comme à Mazas, où les juges vous oublient volontiers pendant 6 mois. La justice, si lente en matière civile et criminelle, est expéditive au possible pour les flagrants délits. C'est une sorte de machine électrique dont tous les rouages se tiennent et qui vous prend dans la rue, vous transporte au dépôt, instruit votre affaire, vous juge, vous condamne et vous emprisonne avant que vous ayez eu seulement le temps de vous y reconnaître. Un conseil en passant, ne vous faites jamais pincer dans les engrenages de cette machine-là. On ne sait jamais quand ni dans quel état on en ressortira. Voici comment on procède pour une incarcération au dépôt. On place les arrivants en ligne dans le grand vestibule devant l'entrée et on fait l'appel. Ah, c'est gai pour les mères et les épouses qui sont là, le visage collé derrière les grilles là-bas. Vous êtes venus ici pour avoir des nouvelles de vos hommes ou vos enfants? Eh bien, tenez, brave femme, les voilà devant vous, la casquette à la main, plantée devant le brigadier. Regardez-les bien. Vous pourrez les voir pendant près d'une heure, bousculés par les geôliers, conduits par-ci, par-là, jusqu'à ce que, passant cette porte dans le fond, ils disparaîtront. « Oh, mais rassurez-vous, on vous les montrera encore une fois, sur les bancs de la correctionnelle. Et puis bonsoir. » L'appel continue. Le brigadier a des feuilles à la main. Il dit un nom et, au lieu de « présent », qui serait une dérision suprême, on répond par son prénom. Exemple. Bonnier, Charles-Alfred. Pommard, Antoine. Chopin. Allons, le nommé Chopin. JB. Il y en a qui n'ont pas le courant de la boîte et qui disent naïvement « Je suis là, monsieur. » « Je le vois bien, triple buse. Il manquerait plus que ça. » L'appel nominal terminé, on vous dirige vers la cellule de fouille. Vous vous asseyez sur un banc. Le surveillant fouilleur est à son poste. « Allons, retirez vos chaussures, mettez tout ce que vous avez dans votre chapeau. » Là, nous y sommes. Allons, arrive ici, toi, l'empaillé. L'empaillé en question, qu'on a déjà fouillé au poste, est visité de nouveau. Pas de couteau? Pas d'autre argent que ça? C'est bon, remettez godillot et va t'asseoir là-bas de l'autre côté. Naturellement, on se trompe. C'est pas par là, bougre d'âne. Près du greffe, je te dis. Allons, à votre tour, les autres. Et ne cachons rien, surtout. On passe ainsi, successivement, jusqu'au dernier, et on reçoit une boule de son, entière si c'est le matin, une demi seulement si c'est l'après-midi. Au greffe, c'est la même chose. On entre, un à un. Seulement, on vous appelle par vos noms et prénoms. Où est-il, Chopin? Chopin, Jean-Baptiste? C'est moi. Le greffe est coupé en deux par une boiserie. Trois ou quatre gratte-papiers se partagent la besogne derrière leur compartiment. À peine entré, un surveillant vous empoigne. Vous croyez qu'on va encore vous crosser à coups de clé dans le dos et vous baisser la tête. On vous la relève en vous cognant contre quelque chose de très dur. Vous êtes sous la toise. 1,72 m. C'est vivement fait. Vous voilà maintenant devant un greffier qui se tient penché sur un registre d'écrou, un énorme registre qui a quelque chose de terrifiant. Votre nom? On ne vous tutoie plus. Prénom? Votre âge? Où êtes-vous né? Comment s'appellent votre père et votre mère? Qu'est-ce que vous faites? Etc. On s'efforce de répondre à toutes les questions. Tout à coup, le greffier vous regarde avec persistance. Vous craignez de lui avoir aussi déplu à cet homme? Non, ce n'est pas cela. Il prend votre signalement en attendant l'anthropométrie. Il inscrit, minutieusement, jusqu'à la couleur de votre paletot. Si vous devez aller en cellule, on vous remet une plaque qui sera accrochée à la porte de votre logement. Voilà le 95. Vous vous dirigez au pas accéléré vers la porte de droite. Un surveillant, placé dans une sorte de tribune, prend votre nom et le numéro de votre cellule, qu'il encarte dans un gros volume. Puis il se dresse, d'un air énigmatique, devant un grand tableau vert qui est couvert de petits numéros blancs. Il appuie sur l'un d'eux, et vous n'avez plus qu'à marcher devant vous. « Par ici, le 95 !» vous crie un surveillant de l'entresol, du premier ou du deuxième étage. « Comment a-t-il su votre numéro, ce sorcier ?» C'est bien simple, il y a deux tableaux électriques à sonneries diverses, à chaque étage, qui correspondent avec le grand tableau de l'entrée. Vous voilà devant votre cellule. Le gardien vous ouvre la porte et vous parle presque amicalement. Vous voyez, il y a un balai ici. Le matin, vous poussez vos ordures contre la porte. Voici une écrapette pour nettoyer le conduit d'aisance. Voici un bouton pour m'appeler si vous aviez quelque chose d'important à demander. Oui, risquez-vous à l'appeler. Il vous claquera le guichet sur le nez. On ne sonne que quand on est mort. Voilà pour les encellulés, comme Chopin. Signalé comme anarchiste dangereux. Il ne faut pas tant d'histoire pour le commun des martyrs. En quittant le greffe, vous sortez du grand vestibule. Le surveillant de l'entrée vous annonce « à la petite salle !» ou bien, plus souvent, comme pour le grand Charles, « à la commune !» Ah oui, cela doit leur réjouir le cœur à ces femmes qui sont toujours derrière la première grille, d'autant mieux qu'elles voient entrer et sortir avec leurs gendarmes, enchaînés, d'autres prévenus qui vont ou reviennent de la photographie. Vos époux, vos frères, vos enfants iront aussi se promener comme ça dans la cour de la Sainte-Chapelle, tenue en laisse par un municipal. « Adam, fallait pas qu'il y aille !» vous dira Pandoro. Et qu'il aura raison. Mais les Chopins y étaient, et ils y étaient bien, pour longtemps, vous allez voir.